Nous allons tous nous lever et nous allons porter les mains comme ça. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble. Sata minyoko atanzala takozanga tia elikia na yo epa ina Yesu Mesia kolona biyano. Kisha fulaganda papa na royi. Passage s'il vous plaît. Je suis le plus grand.